À l'occasion du 504e anniversaire de la grande victoire dans la guerre de libération de la patrie, les permanents et les propagandistes de base de l'Union des travailleurs agricoles de tout le pays ont commencé le pèlerinage aux anciens champs de combat révolutionnaires du secteur du Mont Bektou. Le service de départ a eu lieu le 19 courant devant le monument à la victoire de Botsombo à la ville de Hessan. Les pèlerins ont tout d'abord déposé les corbeilles et bouquets de fleurs devant les statues du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il à Hessan avant de leur formuler hommage. Les orateurs ont souligné d'apprendre mieux la grandeur et les exploits immortels des grands hommes bektoussans à travers le pèlerinage.